On va jouer la petite vache dans la prairie. La petite vache dans la prairie se meut au printemps démeublé. On a le titre. Ça reste à faire le succès international. Un, deux. Aïe, deux, trois, go.